On va parler du Marcos Pop de Saint-Félicien. Le Marcos Pop de Saint-Félicien qui s'est bien battu et qui ont gagné contre les Castors de Dolbeau. On en parle avec Jason de Genève. Salut Jason. Salut Danny. Jason, effectivement, ça a été quand même une série quand même où le Marcos Pop, où les Castors se sont bien battus quand même. Oui, ils sont bien battus. C'est sûr que nous, on a manqué de fini là, autour du filet. Faut dire que le gardien de but, on fait de la job, qu'on veut le dire. Là. Sinon, ils n'ont pas été. Ils ont scoré quoi 4 buts en 3 matchs. Ils n'ont pas été dangereux tant que ça dans notre zone. Tout le long de la série, ils n'ont pas été menaçants, même en avantage numérique. Là, on n'a donné aucun but là, lors de la demi-finale, là, lors des 3 rencontres, là, on n'a donné aucun but là, en infériorité numérique contre eux. Donc, c'est sûr qu'on a été capable de faire la différence là, dans ces 3 matchs-là. OK. Si on parlait maintenant de. Si on parlait un peu des ambassadeurs de Chicago, comment tu les vois? C'est une bonne équipe, qui sont rapides, qui sont intenses, qui travaillent fort là à chaque match. Donc ça va être à nous là d'être prêts et très motivés là pour cette finale là de 4-7. Si on n'est pas prêt, on peut-être se faire surprendre parce que Chicago nous ont déjà battu là, au courant de la saison régulière. OK. Puis ça doit être des bonnes rivalités, hein? Oui, c'est sûr que c'est la bataille de la 167, comme on dit. Là. C'est les deux. Chicago, c'est nous autres qui est plus proche d'eux. Donc, c'est ça. Moi, on s'attend à une bonne, très, très, très, très bonne série là, entre les deux formations là, de notre côté. Là. OK. La force du Marcos Pop, c'est quoi? C'est parce que cette année, je ne lui parlais pas. Habituellement, je lui parlais tout le temps, mais là, je n'y parle pas. Fait que si on parlait un peu de cette équipe-là. Les ambassadeurs, ça, leur force, ouais. le jeu d'équipe, les défensives, là, il y a un bon défenseur, Vincent Lajoie, là, très, très bon, grand, gros, c'est ça. En plus, ça, à l'avant, ils ont un petit Gagnon là, qui a fini deuxième pointeur de la Ligue avec le petit Roy, là, les deux, ils ont fini deux et trois là, au niveau des compteurs de la Ligue, donc c'est sûr que ils ont une équipe quand même équilibrée, là, ça va jouer sur la glace, comme on dit. Nous, c'est sûr qu'on est une équipe de travailleurs. On n'a pas une équipe là, avec énormément de talent. Mais nous, on va se présenter là, puis on va travailler comme on l'a fait depuis le début de l'année. Okay. Donc, on va mettre nos bottes de travail, puis on va essayer d'aller chercher cette dernière étape-là. En provincial. OK. Ben, Jason Dejeuner, c'est un gros merci. On s'en reparle prochainement. Parfait, merci. L'instructeur-chef du Marcos Paul de Saint-Félicien, Jason Dejeuner.